Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter. Tout le bien est réuni dans la concrétisation de la parole du Tawhid, c'est-à-dire la concrétisation de la Shahad. Islahul Ummah, réformation de la communauté. Dites La ilaha illallah, vous réussirez certainement. Une série de sermons d'Al-Jumu'ah portant sur différents thèmes tirés du Coran et de la Sunna. Il n'y a rien de plus grandiose dans la vie de l'homme que le fait de concrétiser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prêché par l'éminent savant Abu Abdirrahman Yahya ibn Ali al-Hajuri, hafidhahullahu ta'ala. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit l'entrée au paradis et son refuge sera le feu de l'enfer. Dirigeant du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat bidammaj au Yémen. Et il ne convient à personne d'être inattentif à cette affaire, ne serait-ce qu'un seul instant. Traduit et prêché en langue française par le frère Wahbi al-Tunisi. Mais malheureusement, les musulmans ne portent que peu d'attention à ce sujet. Sermon numéro 4, Min Fada'il al-Tawhid, parmi les mérites du Tawhid. Ceci est une da'wa, c'est-à-dire un appel qui a pour objectif de préserver l'être humain du feu de l'enfer. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Toutes les louanges sont à Allah, nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et nous nous réfugions auprès de lui contre les maux de nos âmes, ainsi que contre nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide ne peut être égaré, et celui qui l'égare ne peut être guidé. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité ni d'être adoré qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Mohammed est son serviteur et messager. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ô vous qui croyez, craignez Allah, tel qu'il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Ô vous les gens, craignez votre Seigneur qui vous a créé d'un seul être et qui à partir de celui-ci a créé son épouse puis qui de ces deux-là a fait répandre sur la terre de nombreux hommes et femmes et craignez Allah au nom duquel vous vous implorez les uns les autres et craignez de rompre les liens parentaux certes Allah vous observe parfaitement يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ô vous qui croyez, craignez Allah et ne parlez qu'avec droiture et justesse, afin qu'il vous corrige et améliore vos actions, et qu'il vous pardonne vos péchés. Et celui qui obéit à Allah et à son messager a certes gagné une énorme récompense. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ceci étant dit, la plus véridique des paroles est certes celle d'Allah et la meilleure des voies à suivre est celle du messager d'Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم et la plus mauvaise des choses est celle qui a été inventée et toute chose inventée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement mène en enfer. Ô vous les gens, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans son noble livre: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wa bidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dhil qurba wal jari al junubi wa sahibi bil jambi wa ibn as-sabil wa ma malakat aymanukum inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Et adorez Allah et ne lui associez rien, et agissez avec bonté envers vos parents, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le compagnon, le voyageur, ainsi que vos esclaves, car Allah n'aime pas la personne arrogante. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Dit: venez que je vous récite ce que votre Seigneur vous a interdit. Ne lui donnez pas d'associés. Et soyez bienfaisants envers vos parents, et ne tuez pas vos enfants par peur de pauvreté, car c'est nous qui pourvoyons vos besoins, ainsi qu'aux leurs. Et n'approchez pas des turpitudes ouvertement ou en cachette, et ne tuez pas la personne qu'Allah a interdit de tuer, excepté en toute justice. Voilà ce qu'Allah vous a enjoint de faire, peut-être comprendrez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala a ainsi expliqué à travers ces versets la sagesse sur laquelle repose l'islam, à savoir l'adoration exclusive d'Allah azza wa jalla sans lui donner d'associé. Que l'adoration soit verbale, gestuelle, à l'aide des membres du corps, ou intérieure, avec le cœur. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a créé les hommes que dans cet unique but. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. Et Allah tabaraka wa ta'ala a dit: يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Peut-être atteindrez-vous la piété. Et il a dit subhanahu wa ta'ala: wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Et adorez Allah et ne lui donnez pas d'associés. Et il a été établi dans le récit d'Al-Harith Al-Ash'ari radiallahu anhu, d'après l'imam Ahmed et autres, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes Allah a commandé à Yahya ibn Zakariya 5 paroles à transmettre à sa communauté afin qu'ils les mettent en application. Et la première d'entre elles est qu'ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans lui associer quoi que ce soit dans leur adoration. Et beaucoup de savants ont fait l'explication de ce récit. Et parmi eux le savant Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, dû aux nombreux profits que l'on peut en tirer. Et les savants ont défini l'adoration comme étant un nom englobant l'ensemble des actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et la première chose sur laquelle s'applique l'ordre d'Allah de l'adorer est le tawhid, le fait de l'unifier totalement dans son adoration. Et tout ce qui est venu dans le Coran et la Sunna, la tradition prophétique, concernant l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, fait en réalité référence au tawhid. Et personne n'entre dans l'islam sans l'application du tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dit: ô vous les gens du livre, Venez et joignez-vous à nous autour d'une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions pas les uns les autres comme divinité en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. La parole du Tawhid est celle autour de laquelle les cœurs se réunissent, et c'est par sa cause que sont préservés le sang, les biens ainsi que l'honneur des gens, excepté dans certains cas religieusement légiférés. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. Dit: ô vous les gens du livre, venez, joignez-vous à nous autour d'une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer, et que nous ne nous prenions pas les uns les autres comme divinités en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous nous sommes soumis. La parole du Tawhid est une parole qui englobe beaucoup de choses, et c'est la parole d'Allah élevée. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Si vous ne lui portez pas secours, c'est-à-dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient rejeté, et quand ils se trouvaient tous les deux dans la grotte, lui et son compagnon Abu Bakr radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: n'aie pas peur, certes Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui la sérénité et envoya de parmi ses soldats, que vous ne voyez pas, les anges afin de le soutenir. Allah subhanahu wa ta'ala rabaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la sienne est celle qui est le plus élevée, et Allah est puissant et sage. Et dans le recueil du récit authentique de Muslim, dans le récit d'Abu Moussa al-Ash'ari, radiallahu anhu, d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit: quiconque combattra afin que la parole d'Allah soit la plus élevée aura combattu dans le sentier d'Allah. Donc la concrétisation du tawhid est une chose demandée, que cela concerne les petites actions ou les grandes, pour les hommes ou les femmes, pour les djinns ou les êtres humains. Et il ne convient à personne d'être inattentif à cette affaire, ne serait-ce qu'un seul instant, que cela concerne la science, son apprentissage ou sa mise en pratique. Car certes, l'inattention à ce sujet, c'est-à-dire l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, est une grave erreur. Et il n'y a pas eu de prophète parmi les prophètes d'Allah alayhi salam, sans que sa da'wah, son appel à la religion, n'ait été concentré autour du tawhid, et qu'il incitait à l'adoption du bon comportement et des nobles caractéristiques, ainsi que tout ce qu'Allah aime et agrée comme action. Et Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas envoyé de messager ou de prophète sans qu'il ne lui ait commandé cet ordre important, ainsi que sa mise en application, et qu'il ait appelé sa communauté à l'appliquer. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons certainement envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire: adorez Allah et écartez-vous du tawhid, tout ce qui est adorant dehors de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons envoyé aucun messager avant toi sans que nous lui avons révélé: il n'y a de divinité digne d'être adoré excepté moi, adorez-moi donc. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Et rappelle-toi le frère du peuple Ad, quand il avertit son peuple à Al-Ahqaf, cependant qu'avant lui des avertisseurs étaient passés et passeront après lui, en disant: n'adorez qu'Allah seul, je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Il n'y a rien de meilleur dans cette vie d'ici-bas que le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, ô adorateur d'Allah. Il n'y a rien de plus grandiose dans la vie de l'homme que le fait de concrétiser l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est une da'wah, c'est-à-dire un appel qui a pour objectif de préserver l'être humain du feu de l'enfer, car celui qui meurt dans le tawhid sera préservé du feu de l'enfer. Notre Seigneur subhanahu wa ta'ala a dit: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. Ceux qui auront cru et n'auront point obscurci leur foi par quelque injustice, c'est-à-dire le shirk, ceux-là sont en sécurité et bien guidés. Donc les gens qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration qui lui voue sont bien guidés. Et les gens qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala et qui meurent dans cet état seront préservés de son châtiment si ces derniers auront parfait leur tawhid en ne l'ayant point obscurci par quelque injustice. Et l'injustice a ici pour sens le shirk, le fait d'associer Allah tabaraka wa ta'ala quelqu'un ou quelque chose dans son adoration. En effet, si l'homme parfait son tawhid, Allah l'éloignera des péchés. Car ce qui unifie réellement Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration le vénère et le glorifie comme il se doit et honore sa religion de même que ses rites et respecte les croyants ainsi que tous ceux qui s'accrochent fermement à leur religion. C'est pour cette raison que tu vois certaines personnes qui sont parées de nombreux bienfaits et vertus provenant d'Allah subhanahu wa ta'ala de par leur concrétisation du tawhid dans l'adoration qu'ils vouent à Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu ne trouveras pas de croyants qui s'efforce de concrétiser l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration sans qu'il ne donne aux rites religieux islamiques leur véritable importance et qu'il ne s'éloigne des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il n'accomplisse ce qui lui est obligatoire d'accomplir. Et tu ne le trouveras pas non plus sans qu'il ne ordonne d'accomplir le convenable ni ne réprimande le blâmable comme Allah subhanahu wa ta'ala lui a commandé de faire. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun. Ceux qui auront cru et n'auront point obscurci leur foi par quelque injustice, c'est-à-dire le shirk, ceux-là sont en sécurité et bien guidés. Le monothéiste est donc en sécurité, guidé sur la bonne voie, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, puis grâce à son tawhid. Ainsi, nous sommes tous dans le besoin de concrétiser l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration que nous lui vouons, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide afin d'améliorer et de parfaire nos paroles et nos actions, ainsi que l'ensemble de nos mouvements et de notre inactivité, car tout ceci est le fruit du tawhid. Donc accroche-toi au tawhid à l'aide de lances solides, c'est-à-dire la parole du tawhid, la shahada, comme cela a été rapporté dans les exégèses du Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a dit: La ikraha fi ddin qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa la infisama laha wallahu sami'un 'alim. Nul contraint en religion, le droit chemin a assurément été distingué de l'égarement. Donc quiconque mécroit au Tarout, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et croit en Allah aura certainement saisi l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Et Allah subhanahu wa ta'ala est audient et omniscient. Et Allah Azza wa Jalla a dit: Wa alzamahum kalimata taqwa wa kanu ahqqa biha wa ahliha wa kana Allah bi kulli shay'in 'alim. Et il les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches, et Allah est savant de toutes choses. Ô vous les musulmans, tout le bien est réuni dans la concrétisation de la parole du tawhid, c'est-à-dire la concrétisation de la shahada, le témoignage qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, car elle est la première et la dernière des obligations, comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'ad radiallahu anhu, lorsqu'il l'envoya en da'wah au Yémen. Il lui dit: là-bas, tu feras face à un peuple parmi les gens du livre. Donc, la première des choses à laquelle tu les appelleras est qu'ils unifient Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration. Et dans une autre version, qu'ils disent La ilaha illallah. Puis il dit: s'ils t'obéissent après cela, informe-les qu'Allah leur a commandé d'accomplir 5 prières obligatoires par jour. S'ils t'obéissent après cela, informe-les qu'Allah leur a commandé la zakat, l'aumône obligatoire, prise de leurs riches et reversée ensuite à leurs pauvres. Et prends garde à l'invocation de la personne qui aura été victime d'injustice, car c'est une invocation acceptée. Et dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit de Ubayd ibn Samit radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adoré excepté Allah, et que Mohammed est son messager, et que Isa est le serviteur d'Allah ainsi que son messager, et qu'il a transmis sa parole qu'il l'envoya à Maryam, et qu'il est une âme provenant de lui, et que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité, Allah le fera entrer en paradis, quelle que soit la nature de ses actes. Et la parole, quelle que soit la nature de ses actes, a ici deux sens. Le premier est qu'il le fera entrer au paradis en fonction de ses actes. C'est-à-dire que si ses actes étaient méritoires et nombreux, alors son degré au paradis sera élevé. Mais si ses actes étaient peu nombreux, alors Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer en fonction de ceci. Et quant au second sens, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le fera entrer au paradis, quelle que soit la nature de ses actes. Quand bien même il mourrait en ayant persisté dans l'accomplissement de certains péchés, exception faite pour le shirk, l'associationnisme. Ainsi, s'il mourra en ayant concrétisé et parfait l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il entrera au paradis. Et ce sens est plus juste que le premier. Comme le prouve la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toute personne dont la dernière parole a été « La ilaha illallah », il n'y a de divinité digne d'être adorée, excepté Allah, finira par entrer au paradis, quoi qu'il ait pu commettre comme péché. Et l'imam muslim a rapporté dans son recueil de récits authentiques le récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, qui a dit « Ô messager d'Allah, qui sera le plus heureux de ton intercession auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala en sa faveur le jour de la résurrection ?» Il dit « La plus heureuse des personnes de mon intercession sera celle qui aura dit « La ilaha illallah » le plus sincèrement, c'est-à-dire du plus profond de son cœur. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam intercédera ainsi pour lui auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite « Je doutais fortement, ô Abu Huraira, que personne ne me posait cette question avant toi, sachant ta motivation et ton amour pour la science. » Et dans le récit d'Abu Dhar, radiallahu anhu, dans le recueil de récits authentiques de muslims, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui a dit « Quiconque se présentera le jour de la résurrection avec une bonne action, il lui en sera compté 10 du même genre, et même plus, et quiconque se présentera avec une mauvaise action, alors il ne sera comptabilisé aux personnes désobéissantes que les péchés qu'ils ont commis, à moins que je leur pardonne, et quiconque viendra à moi avec l'équivalent de la terre comme péché, sans m'avoir associé quoi que ce soit dans mon adoration, je viendrai à lui avec l'équivalent de pardon, et quiconque se rapprochera de moi d'un enfant, je me rapprocherai de lui d'une coudée, et quiconque se rapprochera de moi d'une coudée, je me rapprocherai de lui d'une brasse, et quiconque viendra à moi en marchant, je viendrai à lui hâtivement. » En effet, la concrétisation de la parole du Tawhid fait partie des choses qui font entrer au paradis, si Allah Azza wa Jalla le veut, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari, dans le récit de Jabir ibn Abdillah radiallahu anhu, toute personne qui mourra en n'ayant rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration entrera au paradis. Et quiconque mourra en lui ayant associé quelqu'un ou quelque chose entrera en enfer. Donc il est important que tout le monde prenne garde à ce qui sort de sa bouche comme mauvaise parole, ainsi que ce qui circule dans son cœur comme fausse croyance et pensée nuisible qui contredit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala par de la petite association ou par de la grande. Car par Allah, cette situation est très dangereuse. Et parmi ces dangereuses paroles que les gens disent, qui contredisent le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a par exemple le fait de dire « Si un tel n'était pas intervenu, il serait assurément mort. » Ou « Si le chien n'avait pas été là, le cambrioleur serait certainement entré dans la maison. » Ou bien encore « S'il n'y avait pas eu mes enfants, il m'aurait attaqué. » Toutes ces expressions doivent être délaissées et elles sont nombreuses. Et du même genre, le fait de jurer par les Awliyaïs, les saints, ou par la Kaaba, la maison sacrée à la Mecque, ou par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou par le ciel ou la vie, ou par les gens des tombeaux, ou les vivants ou les morts, tout ceci est bien connu et présent chez les musulmans. Et cela est très dangereux. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, quiconque veut jurer qu'il ne jure que par Allah, ou alors qu'il se taise. Car le fait de jurer par autre qu'Allah est du shirk, de l'association. Et si quelqu'un jure par autre qu'Allah, tout en vénérant la chose par laquelle il a juré, alors cela est de la grande association. Mais s'il ne lui donne pas d'importance, alors cela reste néanmoins de la petite association. Donc, le fait de négliger ses paroles et ses expressions est très dangereux pour l'homme. Que cela concerne l'unicité d'Allah Azza wa Jalla dans sa seigneurie, ou bien dans son adoration, ou encore dans ses noms et ses attributs divins. Car il a été établi dans le récit de Khutayla, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne dites pas, ma sha'a Allah wa sha'a Muhammad, par la volonté d'Allah et celle de Muhammad, mais dites plutôt, ma sha'a Allah wahda, par la volonté d'Allah seul. Car les gens d'avant, lorsqu'ils juraient, disaient, wal Ka'ba, par la Ka'ba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit alors, dites plutôt, wa Rabbil Ka'ba, par le Seigneur de la Ka'ba. un musulman dit un jour à un juif, quelle bonne communauté vous êtes, si seulement vous vous abstenez de dire que Uzair est le fils d'Allah. Le juif dit alors, quelle bonne communauté vous êtes, si seulement vous vous absteniez de commettre de l'association et de donner à Allah des égaux en disant, Masha'Allah, wa sha'a Muhammad, par la volonté d'Allah, ainsi que celle de Muhammad, de même que vous dites, wal Ka'ba, par la Ka'ba. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur interdit alors tout ceci. L'adoration d'Allah, dans son intégralité, est basée sur le tawhid, le fait d'unifier Allah, subhanahu wa ta'ala, dans les actes d'adoration. Mais malheureusement, les musulmans ne portent que peu d'attention à ce sujet, sauf pour celui qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, aura préservé par miséricorde. Qu'il s'agisse d'adoration verbale, accomplie par la langue, gestuelle, par les membres du corps, ou bien intérieure, vouée avec le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes Allah ne regarde pas votre apparence et votre corpulence, mais il regarde plutôt votre cœur et vos actions. Le shirk est le plus grand des grands péchés. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne vous informerai-je pas des plus grands des grands péchés? Les compagnons dirent, bien évidemment, messager d'Allah. Il dit alors, le shirk envers Allah et la désobéissance des parents. Puis il s'assied alors qu'il s'était adossé. Et il dit, le faux témoignage et le faux témoignage. Ils dirent ensuite, il ne cessa de répéter cela au point que nous avons dit, si seulement il s'était tu. Que ce shirk concerne le sacrifice d'une bête pour autre qu'Allah, ou le vœu pour autre qu'Allah, ou l'invocation d'autre qu'Allah, ou bien encore la demande d'aide ou de secours à autre qu'Allah, dans ce que nul autre que lui ne peut accomplir. Donc le tawhid préserve du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme cela a été établi dans le récit de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, un homme sera présenté le jour de la résurrection et on déposera sur l'un des plateaux de la balance les registres de ses actions qui s'étaleront à perte de vue dû au grand nombre de ses péchés. Puis on viendra avec sa carte. Et il lui sera dit, mes anges, affectés au recensement de tes actions, ont-ils été injustes envers toi? As-tu une bonne action à présenter? Il dira alors, je n'ai pas de bonne action à présenter. Et les anges que tu m'as affectés afin de recenser mes actions ne m'ont fait aucun tort. Puis on posera cette carte sur l'autre plateau de la balance, qui fera alors éjecter les registres. Et il sera dit, rien n'est plus lourd sur la balance que le nom d'Allah. Et ce récit est authentique. Et sachez, aux serviteurs d'Allah, qu'il est possible que le tawhid s'annule à cause d'une simple parole ou d'une croyance erronée, comme par exemple le shirk ou tout autre acte authentiquement établi d'après les arguments scientifiques tirés du Coran et de la Sunna indiquant son annulation. Donc, il convient très fortement à chaque personne de préserver son tawhid, car le tawhid aide la personne à répondre aux obligations qui lui ont été imposées, ainsi qu'à l'accomplissement de bonnes œuvres, qui le rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, si celui-ci s'efforce de concrétiser l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. Toutes les louanges sont à Allah. Nous le louons, implorons son secours et nous nous repentons à lui. Et je témoigne qu'il n'existe de divinité digne d'être adorée qu'Allah seul, rien ne lui est égal. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam est son serviteur messager. Le tawhid, le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, est un des piliers de l'islam. Et la parole du tawhid, c'est-à-dire la shahada, est un des piliers parmi les cinq piliers de l'islam. Ceci, d'après ce qui a été rapporté dans les deux recueils de récits authentiques, dans le récit d'Ibn Omar, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam a dit, l'islam a été bâti sur cinq piliers. La shahada, la ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, le témoignage qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le mon obligatoire, l'accomplissement du hajj, le pèlerinage à la maison sacrée à la Mecque, pour celui qui en a les moyens, et le jeûne du mois de Ramadan. La parole, la ilaha illallah, est la plus importante des branches de la foi. Ainsi, dans les deux recueils du récit authentique, dans le récit d'Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi comporte entre 73 et 79 branches. La plus élevée d'entre ces branches est la parole « La ilaha illallah » et la plus basse est le fait d'écarter du chemin une chose qui nuit aux gens. Et la pudeur est une branche de la foi. Le tawhid est la plus grande des invocations. Et la parole « La ilaha illallah » est l'invocation la plus méritoire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La meilleure des choses que j'ai pu dire, moi ainsi que tous les autres prophètes qui m'ont précédé, est la ilaha illallah ». Et il a aussi dit « Quatre paroles sont les meilleures des invocations. Et peu importe dans quelle heure tu le dis, subhanallah, gloire à Allah, et alhamdulillah, toutes les louanges sont d'Allah, et la ilaha illallah, il n'y a de limite ni être adoré excepté Allah, et Allahu Akbar, Allah est grand. » Ainsi, tu apprends que la parole « La ilaha illallah » est la clé de la réussite pour l'homme, si ce dernier concrétisait cette parole et qu'il mourrait dans cet état. Et il a été établi dans le récit de Tariq, radiallahu anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait dans les deux marchés des polythéistes, Dhul Majalna et Dhul Majaz, quand il appelait les gens au premier des commandements, et le plus important aussi, c'est-à-dire le tawhid, il disait « Dites, la ilaha illallah, vous réussirez certainement. » Et dans le récit d'Abu Sofiane, Sakhar ibn Harb, radiallahu anhu, lorsqu'il rencontra Héraclius, l'empereur romain, qui lui dit, lorsque ce dernier l'interrogeait au sujet du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Que vous commande-t-il ? » Abu Sofiane, radiallahu anhu, répondit, « Il dit, adorez Allah et ne lui associez rien, et délaissez ce que disent vos pères. Et il nous commande d'accomplir ma prière, de s'acquitter de la zakette, de préserver notre chasteté, ainsi que le lien de parenté. » Voilà ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commandait aux gens, et cela est la da'wa de tous les prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Nous avons certes envoyé Nuh à son peuple. Il leur dit ainsi, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité en dehors de lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Ainsi, tous les prophètes donner énormément d'importance à l'établissement du tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même qu'à la mise en garde contre le shirk. Et ils ont voué leur vie et consacré tout leur âge pour cette cause. Et quiconque aura concrétisé l'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ensemble de ses adorations aura en réalité concrétisé l'accomplissement de tout le bien. En revanche, celui qui n'aura pas parfait son tawhid aura négligé la concrétisation de l'accomplissement de tout le bien et se sera tourné en réalité vers tout le mal. Tout cela en fonction du degré d'unification d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pratiquait dans ses adorations, ainsi que de l'importance qu'il donnait au rite religieux dans son cœur. Regardez donc les soufis et les chiites, combien d'innovations et de fables ont-ils dans leur pratique de la religion, due à leur négligence concernant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien vous trouvez chez eux d'égarements, combien vous trouvez chez eux de propos insensés et dispersés, combien vous trouvez chez eux de choses qui provoquent la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur des mondes, que cela soit dans leurs paroles, leurs gestes, ou que cela concerne leur célébration d'anniversaire. Regardez aussi la secte des frères musulmans et les conséquences de leur négligence et leur manque d'attention concernant le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, que cela soit au niveau de l'enseignement, des prêches, de la prédication et de la compréhension et autres. Tous n'ont pas donné sa véritable importance au tawhid dans le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration ainsi que dans ses noms et ses caractéristiques divines. Ils sont ainsi tombés dans la démocratie, le fait de juger entre les gens et de gérer les sociétés à travers des lois autres que celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiférées. Et ils invitent les gens à adhérer à ce système. Et ils sont aussi tombés dans l'alliance avec les mécréants et appellent les gens à les imiter, que cet appel soit par la parole ou par les actes. De même qu'ils sont tombés dans beaucoup d'innovations et de fictions dans leurs pratiques religieuses. Mais quant à Ahl Sunnah, les gens fermement accrochés à la Sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans un bienfait concernant l'attention qu'ils portent à cette affaire très importante, c'est-à-dire à propos du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela parce qu'ils ne négligent pas ce point essentiel dans aucune action, aussi petite soit-elle, ni ne négligent de mettre en garde les gens contre le shirk, le fait d'associer Allah subhanahu wa ta'ala quelqu'un ou quelque chose dans les actes d'adoration. Quand bien même il ne s'agirait que de la petite association verbale, car il a été certes établi dans le recueil de récits authentiques d'Al-Bukhari l'histoire du lépreux, du chauve et de l'aveugle, qu'Allah éprouva en donnant à chacun de quelques bienfaits matériels, en plus d'une guérison de leur maladie respective. Il leur envoya ensuite un ange, sous l'apparence d'un homme pauvre, qui demanda à chacun d'eux un peu d'aide. Le lépreux et le chauve refusèrent de l'aider, en prétendant qu'ils avaient tous deux hérité de ces biens de leur père, ce qui provoqua la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala sur eux. Tandis que l'aveugle répondit à la demande de ce pauvre, l'homme lui dit ensuite « Garde ton argent, car vous venez toi et les deux autres d'être mis à l'épreuve, et Allah subhanahu wa ta'ala a agréé ton acte, et il est satisfait de toi. Quant aux deux autres, il est en colère contre eux. » Et les savants ont mis en garde, à travers les différents livres traitant sur le sujet du tawhid, contre le fait d'adjoindre les bienfaits à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils ont attiré l'attention des gens sur le fait de ne cesser de lier les biens de ce bas monde à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah, thumma ila massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun. » Et tout ce dont vous jouissez comme bienfait dans ce bas monde provient d'Allah, puis quand le malheur vous touche, c'est lui que vous implorez et suppliez à haute voix. Donc, que l'homme ne cesse de joindre les bienfaits dont il jouit dans ce bas monde à Allah azza wa jalla, en disant par exemple « Ceci est par la grâce d'Allah » ou bien « Cela n'est dû qu'à la réussite d'Allah » ou encore « Si ce n'était Allah subhanahu wa ta'ala, nous serions certainement égarés. » Allah subhanahu wa ta'ala dit « ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. » Et si ce n'était la grâce d'Allah envers vous et sa miséricorde, personne d'entre vous n'aurait jamais été pur, mais Allah purifie qui il veut, et Allah est audient et omniscient. Et il ne convient pas à un étudiant en sciences islamiques, lorsqu'il sort en da'wa auprès des gens, afin de leur enseigner la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, chez qui sont répandues toutes ces désobéissances précédemment citées, qu'il soit négligent à leur sujet, et qu'il ne centralise pas sa prédication dessus. Parfaitement, il est obligatoire pour lui qu'il se concentre sur cette affaire, à savoir le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de ne vouer l'adoration qu'à lui seul, car si une personne meurt sans avoir associé quoi que ce soit à Allah subhanahu wa ta'ala, alors il sera mort dans un bon état. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. » Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit dans son adoration. À part cela, il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelque associé commet alors un énorme péché. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit « Innahu man يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. » Quiconque associe Allah d'autres divinités, Allah lui interdit l'entrée au paradis, et son refuge sera le feu de l'enfer, et pour les injustes pas de secoureur. والحمد لله رب العالمين.